des délires, histoire d'un soir, j'ai connu le pire et le meilleur. Je venais de faire un petit concert, c'était tranquille, c'était hier. Oh yeah. Je rentre chez moi, la guerre civile, peut-être un tremblement de terre. Quand j'ouvre la porte, 2h du mat, c'était le dawa, tout est par terre. Au fur et à mesure, je me faufile dans chaque recoin de ma tanière. Au fur et à mesure, je m'aperçois, tout est en vrac, tout est en l'air. Je continue mon inspection, je marche au débris de verre. J'ai été victime d'effraction par la fenêtre de derrière. On m'a dépouillé de quelques biens, d'une valeur de misère. Mais ça, je m'en fous, ça c'est rien, c'est d'être volé par mon frère. Être victime de ses relations, c'est pas nouveau, pas une première. Victime de ses fréquentations, rien de spécial, c'est fait divers. Être victime de ses relations, du déjà vu, pas né d'hier. Victime de ses fréquentations, c'est ça le plus dur dans cette affaire. C'était le 12-7 dans le 8-5, soirée d'enfer, je faisais concert. Je mettais le feu lors de mes prestations, lui mettait sous dans ma maison. C'était l'été en 2005, avec mes potes, la connexion. On partageait notre passion, lui payait tout dans mon salon. Si quelqu'un ou quiconque, qui que ce soit, c'est quelque chose, quoi que ce soit, qu'il le dise, rien n'est laissé au hasard. Un appel à témoin, il y a de quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est certain, si quelqu'un ou quiconque, qui que ce soit, c'est quelque chose, quoi que ce soit, qu'il le dise, rien n'est laissé au hasard. Être victime de ses relations, c'est pas nouveau, pas une première. Victime de ses fréquentations, rien de spécial, c'est fait divers. Être victime de ses relations, du déjà vu, pas né d'hier. Victime de ses fréquentations, c'est ça le plus dur dans cette affaire. Cette histoire s'est terminée, par une plainte j'ai déposé. Mon assurance m'a remboursé, tous les dégâts, objets volés. Pour toi ça ne fait que commencer, car j'ai peut-être ma petite idée. Et quand je saurai la vérité, mieux vaut pour toi pas me rencontrer. Si c'est pas les flics que t'as aux fesses, c'est mes potes qui te collent au cul. Trop de risques pour si peu de gains, verra qui rira à la fin. 12 juillet, histoire d'un soir. Être victime de ses relations, c'est pas nouveau, pas une première. Victime de ses fréquentations, rien de spécial, c'est fait divers. Être victime de ses relations, du déjà vu, pas né d'hier. Victime de ses fréquentations, c'est ça le plus dur dans cette affaire.